se vanter. Ma dame est intelligente, se fait désirer. Oh, se fait désirer. Vu la tête du bébé, elle fait un plomb. Quand elle gigote, finit par cailler. La la la, bébé, viens, j'attends. Que tu me visites jusqu'à batailleur. Y'a trop de feeling, oh yeah. À minuit, comme Eli, oh yeah. Y'a trop de feeling, oh yeah. T'as compris ton belly, oh yeah. Elle fait le hello, hello, hello. Elle s'appelle Christina, Christina, Christina. Plus belle que Bella, Bella, Bella. Elle s'appelle Christina, Christina, Christina. C'est vrai comme un diggidi, diggidi, dagada. Que toi sur ma route, ta voix résonne dans mon walkman. Tu es toxique, on m'avait dit. Je vais pas me lancer pour la dot. Je dois voir ailleurs. Oh.